Kombo na yo Jova Jire, le dieu qui pouvoir aux alliés d'Amenanga. Yoko bongwa na kate Yahweh. Le Dieu qui guérit aux alita benanga, il comprend mon akate Yahweh. Alléluia, aux alita benanga, soki mwana sengi lipa, yoko pesa liba mate aux alita benanga, il comprend mon akate Yahweh. Si bendele nanga ataye yindi lelo na kopanga tena ye biozali apalanga ye aleluya ozali na me papa bongo bongo na kate papa bantuzi na mamo elike na nzambe na lobaki tolembe te malembe malembe kolo aza kosala. Soki nataleli ebale, ebale kotiola. Soki nataleli nzete, nzete eko kauka. Soki nataleli lingomba, lingomba eko panzana. Soki nataleli moto, mawana oya kumitana moto. Soki nataleli banoko, banoko bazana oya pango bana. Soki nataleli baboti, pango bako kiko wa. Natalela yonzambe, koko bongwa nakate. Nozala kina bankoko bangai, lelo nanga lobina bana nanga. Et le peuple qui marchait dans les ténèbres voit soudain une lumière. Ésaïe chapitre 9 verset 1. Alléluia. Qui habite le pays de l'ombre de l'amour voit une lumière resplendie. Batu ni ngai wa bizambe na yo na ya noli eza Yesu Masia yende moto abikisi ngai. Aleluya lata Yesu Masia mokonzi na nga lata Yesu Masia na yebisa bino kombo na ye. Full worship. Et dit balé, si même.